Salut Damien, alors tu m'as demandé ce que je pensais de Focus Immo Live. Donc moi c'est Justin, je suis investisseur en location courte durée, je fais partie de la formation de Loïc. Le séminaire j'ai trouvé au top, franchement si vous cherchez de la motivation, un coup de boost, je trouve que ce genre d'événement c'est très important. Donc pour moi ça a permis de me booster encore plus pour mes prochains investissements. Et surtout ça a permis de rencontrer pas mal de personnes qui vont pu me donner des conseils. Donc vous avez des personnes au même niveau et des personnes qui sont déjà là. Et c'est ces personnes-là qui vont vous donner des conseils très très importants dans ce genre d'événement. Donc est-ce que je recommanderais cet événement? Je dirais oui à 100%. Allez-y, foncez.